3 degrés sur le bassin parisien, très variable dans le sud-ouest, selon la percée éventuelle d'éclaircies. Il fera 12 degrés à Limoges sous le soleil, 14 à Marseille, 17 à Nice et Ajaccio. Demain, grisaille et brouillard tenace dans les régions du nord et de l'est, grisaille dominante de la Bretagne au bassin parisien. Le ciel devrait s'éclaircir plus facilement du sud-ouest au Val-de-Loire. Soleil en montagne, peut-être un peu moins éclatant qu'aujourd'hui. Des nuages et parfois un peu de pluie sur la Corse et le Languedoc-Roussillon, ciel en demi-teinte sur la Provence. Au lever du jour, il est prévu jusqu'à moins 5 à Reims. Les températures de l'après-midi seront dans l'ensemble en légère hausse. Le temps restera quand même froid sous la grisaille la plus tenace du nord et de l'est. Toutes les prévisions météorologiques, département par département, à la ville, à la mer ou à la montagne, sont disponibles par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros la minute. 3230, France Inter au bout du fil. Bonjour, c'est Didier Gustin. Aujourd'hui, samedi 11 décembre, c'est le 114e jour de captivité en Irak pour nos compatriotes Christian Chesneau et Georges Malbruno. Ils sont pris en otage, alors ne les oublions pas. Et bien sûr, vous pouvez consulter le site internet de Reporters sans frontières, rsf.org. France Inter, 13h21, rendez-vous avec X aujourd'hui, ouvre le dossier Iyad Alaoui, premier ministre du gouvernement intérimaire irakien. Rappelez-vous, c'était en septembre 2004, un homme déclarait à propos du kidnapping de mes confrères Christian Chesneau et Georges Malbruno. Ce rapt est une sorte de leçon administrée à la France, la preuve que Paris a eu tort de ne pas participer à la guerre contre l'Irak et de se croire à l'abri du chaos qui y règne. Non, il ne s'agit pas de George Bush, mais du premier ministre irakien désigné, Iyad Alaoui. Inutile de dire que ce propos brutal et peu diplomatique a entraîné aussitôt une réplique ferme et justifiée de Paris. Mais cela m'a donné envie d'en savoir plus sur ce dirigeant dont on dit qu'il est non seulement une créature des Américains, mais aussi un agent de la CIA. Agent, sans doute, mais qui est en train de tourner lentement Kazakh. Il veut retarder de 6 mois les élections irakiennes prévues en janvier prochain et tente de faire revenir en Irak des baassistes exilés. Cette semaine, Monsieur X nous livre donc sa réponse, une plongée ténébreuse dans les arrière-cours des services secrets et les luttes de pouvoir à l'intérieur de l'opposition irakienne à Saddam Hussein. Un retour aussi sur les manipulations effectuées pour lancer les États-Unis dans la deuxième guerre du Golfe. Essentiellement, l'affirmation que l'Irak possédait des armes de destruction massive et que Saddam Hussein avait des liens avec Al-Qaïda. France Inter, rendez-vous avec X. J'ai lu, je ne sais plus où, dans Courrier International sans doute, une définition assez lapidaire du premier ministre irakien, donnée par un ancien agent de la CIA. Alors, je cite de mémoire. Ouais, ouais, ouais. Deux caractéristiques définissent Alaoui. Premièrement, il aime à penser qu'il est un homme d'idées. Deuxièmement, sa plus grande vertu, c'est d'être un gangster. C'est rude, n'est-ce pas? Au reste, son apparence physique colle assez bien avec ce propos. Alaoui est un costaud, 1m80, silhouette lourde, visage massif et fermé, une voix de stentor. Cet Irakien possède incontestablement une autorité naturelle. Et c'est un homme à poigne. Certains esprits malins ont même souligné sa ressemblance physique avec Tony Soprano. Le personnage de la série télé américaine sur la mafia. Oui, oui. Et c'est vrai, enfin, il a une réputation de violence. Oui, hein. Il y a quelques semaines, il est apparu avec une main plâtrée. Il a lui-même donné l'explication. Au cours d'une réunion, énervé par l'un de ses interlocuteurs, il aurait violemment tapé sur la table et se serait cassé la main. Il y a aussi des choses plus graves. C'est vrai. Enfin, aucune preuve formelle n'a été apportée. Quelques jours avant sa nomination au poste de Premier ministre, il aurait lui-même abattu à coups de pistolet 6 opposants dans une prison de Bagdad. Une sorte de leçon administrée à la police. Voilà comment il faut traiter les terroristes. Enfin, il faut le répéter, ce n'est qu'une rumeur. C'est hein, exact, oui. Bon. Alors, bon, d'où vient-il? Bon, autant vous le dire tout de suite, sa biographie recèle bien des zones d'ombre. Des mystères. Oui, mais enfin, essayons quand même. Iyad Hachem Alaoui est né après la Seconde Guerre mondiale dans une riche famille chiite de Bagdad. Chiite, c'est important ça. En effet, oui, parce que les chiites sont majoritaires en Irak et tout au long de la dictature de Saddam Hussein, ils ont vécu sous la férule des sunnites. Mais Alaoui fait partie de ces chiites laïques qui observent une relative distance vis-à-vis de la religion. Donc une famille riche. Ouais, des hommes d'affaires, oui, ouais, et des commerçants, mais aussi des politiciens influents. Son grand-père a été l'un des dirigeants irakiens qui a négocié avec la Grande-Bretagne l'indépendance du pays. Son oncle est un ancien ministre de la Santé. Quant à son père, un médecin, il a été membre du Parlement sous la monarchie hachémite. Et son parcours, alors, Alaoui, là? Alaoui veut être médecin, comme son père. Et il commence des études de médecine. Mais premier mystère, on ne sait pas s'il les a vraiment terminées. Mais lui, il prétend. Vous avez raison, ouais, il affirme qu'il est neurologue. Mais ce point n'a pas beaucoup d'importance, en fait. Ce qui compte, c'est qu'il adhère au parti Baas à la fin des années 60. Baas, c'est d'ailleurs le parti de Saddam Hussein. Oui, oui. Le Baas s'est emparé du pouvoir en 1968 à la faveur d'un putsch. Et l'année suivante, Saddam Hussein devient le numéro 2 du régime avant d'en devenir progressivement le vrai patron. Alaoui est alors l'un de ses proches. Et d'après les étudiants qui l'ont connu à l'époque, c'est un militant baassiste très actif qui fricote avec les services de sécurité et se balade sur le campus avec un pistolet au côté. À ce moment-là, c'est donc un fidèle de Saddam Hussein. Incontestablement. Et ça lui vaut d'être envoyé à Londres officiellement pour poursuivre ses études. Et pourquoi cette réserve? Nommé président pour l'Europe des étudiants irakiens de l'étranger, il est plus vraisemblablement chargé de surveiller ses exilés et de traquer les opposants au régime baassiste. Ouais, mais vous n'êtes pas sûr, hein? Non. Non, je vous l'ai dit, la biographie d'Alaoui comporte de nombreux trous. On dit, malgré tout, que certains de ces dissidents irakiens auraient été punis de manière expéditive. Ouais, mais vous ne savez pas si Alaoui y a pris part. Non, non, non. Toutefois, peu à peu, il semble que le jeune homme prenne ses distances avec le régime baassiste. Et en 1971 ou 72, c'est la rupture. Toujours officiellement. Ah oui. Mais attendez, si vraiment il y a rupture, pour quelle raison? Socialiste et nationaliste arabe, il aurait mis en cause les déviations idéologiques du régime et la mise en coupe réglée du pouvoir par le clan de Saddam Hussein. Tous ces hommes issus de sa ville natale, Tikrit. Mais la vérité peut être tout autre. Ah ben, je vous écoute là. La rupture est peut-être une fiction. Une fiction entretenue pour mieux pénétrer les milieux anti-bassistes. En outre, il est à peu près certain que dès cette époque, Alaoui est approché par les services secrets britanniques. Et pourquoi alors? À Londres, qui a longtemps régné sur Bagdad, on est friand d'informations sur cette ancienne colonie riche en pétrole. Donc, si je vous comprends bien, Alaoui aurait pu être une sorte d'agent double travaillant à la fois pour les Irakiens et les Britanniques. C'est très possible, oui. En tout cas, toujours selon la version que le premier ministre irakien a donnée lui-même, il finit ses études de médecine à Londres et devient même correspondant de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Tout en demeurant un agent irakien? Encore une fois, je n'en sais pas plus. Mais en 1978, se produit un événement qui montrerait qu'il a vraiment rompu avec le Baas. Une nuit, trois individus s'introduisent dans sa villa londonienne et l'attaquent à coups de hache. Il est frappé à la tête, à la poitrine, et l'une de ses jambes est à moitié sectionnée. Quand ses assaillants s'enfuient, ils sont persuadés de l'avoir tué. Ah, ben là, ils ont échoué. Et ses amis britanniques s'occupent de lui et le font admettre sous un faux nom dans une clinique du Pays de Galles aux frais du gouvernement. Il est censé être une victime de la guerre du Liban et il va rester un an dans cet établissement médical. Il a donc été quand même très sérieusement blessé. Apparemment, oui. Et pourtant, vous pouvez le remarquer, il n'a aucune cicatrice apparente et il marche sans boiter. Est-ce que vous n'êtes pas là quand même un peu trop soupçonneux ? Ah bon, pas du tout. Je me contente de souligner un certain nombre de faits. Pourtant, cet attentat vraisemblablement perpétré par des tueurs au service de Saddam Hussein ne me semble pas ressortir de la fiction. Ouais, écoutez, expliquez-moi là toutes ces contradictions. Imaginez que le Moukhabarat, le service de sécurité de Saddam Hussein, qui était fort bien organisé, est appris par une trahison, l'allégeance d'Alaoui aux Britanniques. Le futur premier ministre irakien devenait illico une cible. Ouais. En tout cas, si je vous écoute bien, on reste une nouvelle fois dans le flou. Malheureusement, oui. Mmh. Alors, ensuite ? Je crains de ne pas être beaucoup plus précis. Bon, alors essayons tout de même de faire le point. Pendant la longue et terrible guerre qui oppose l'Irak et l'Iran, Alaoui voyage beaucoup. Muni d'un passeport britannique, il se déplace dans la plupart des pays du Proche et Moyen-Orient. D'accord, mais enfin, que fait-il exactement ? D'abord, il fait des affaires. De quel genre ? Pétrolière. Et il aurait ainsi amassé un joli magot. Mais il n'en dédaigne pas pour autant la politique. En 1983, il crée par exemple, en Arabie Saoudite, une radio. La radio de l'Irak libre. Oui, en Arabie Saoudite, ça ne peut pas se faire sans un accord avec les autorités du pays. Naturellement. Mmh. Et en même temps, Alaoui a certainement été approché par les services secrets d'Arabie Saoudite. Ouais, mais décidément. Hein. Il est aussi à peu près certain qu'ayant gardé des contacts avec des dignitaires irakiens restés au pays, il essaie de réveiller l'opposition à Saddam Hussein. Mais tout ça, ça reste marginal, tant le dictateur règne d'une main de fer et élimine sans pitié tous ceux qui contestent son pouvoir. En tout cas, au cours de cette période, Alaoui se livre à un véritable travail de lobbying auprès des pays arabes et acquiert une certaine notoriété dans les cercles dirigeants. Il se fait connaître, c'est ça ? Oui, car son ambition est d'apparaître comme le principal opposant à Saddam Hussein. Un homme susceptible d'incarner le recours. Toutefois, ce faisant, il marche sur les brisées d'un autre opposant dont nous allons beaucoup reparler, Hamed Chalabi. Mais n'allons pas trop vite, hein, c'est bien ce que vous aviez dit. Bon, écoutez, si vous me piquez mes répliques maintenant... L'habitude, seulement l'habitude. Ainsi sont les vieux couples. Bon, admettons. Enfin, après ces facéties, reprenons. Pour Alaoui, ce qui va tout changer, c'est la première guerre du Golfe et ses conséquences. Pourquoi ? Parce que le Liad Alaoui va commencer à intéresser sérieusement les États-Unis et donc forcément la CIA. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Avant de voir de plus près les liens réels qui vont se tisser entre les services américains et Iyad Alaoui, une citation. Voici ce qu'écrit Patrice Lestrouan dans Le Canard Enchaîné en juin 2004, c'est-à-dire tout de suite après la désignation de l'Irakien au poste de Premier ministre. Pas trop étonnant que le courant passe si bien entre Washington et le nouveau Premier ministre irakien, Iyad Alaoui, 59 ans, chef de l'exécutif du pays pour les 7 mois à venir. Non seulement c'est le premier qui a choisi le second, mais d'un strict point de vue américain, il était difficile de trouver plus adapté. Chiite modéré, quelque peu occidentalisé par 30 ans d'exil, Alaoui, chirurgien de profession, et surtout depuis des lustres, une figure familière des hommes de la CIA, comme de plusieurs autres services de renseignement de l'Ouest. Un passé dont il n'a pas honte, comme il a tenu à le préciser publiquement. Un honorable correspondant promu numéro un d'un pays encore sous tutelle, que demande sinon le peuple, du moins le président américain? C'est tout de suite après l'opération Tempête du désert qui a chassé Saddam Hussein du Koweït que Iyad Alaoui crée un mouvement politique, le NI, c'est-à-dire l'Entente nationale irakienne. Et ce parti regroupe les nationalistes qui ont appartenu au premier cercle du pouvoir irakien. Comme Alaoui lui-même. Et qui ont ensuite rompu avec Saddam Hussein. Parmi eux, il y a un diplomate, Al-Ali, un ancien ministre. À noter que cet homme est sunnite. Ah oui, alors Alaoui entend donc présenter une sorte de front uni. Oui, mais les deux hommes ne tardent pas à se quereller. Et Alaoui reste seul à la tête de l'ENI, tandis que Al-Ali crée son propre mouvement. Une organisation plutôt hostile à l'Occident. Alors que Alaoui, lui, est résolument pro-occidental. Il ne peut pas en être autrement, car ses commanditaires sont ses amis britanniques qui vont bientôt être relayés par la CIA. Ah, on va y revenir, mais auparavant, quel est l'objectif poursuivi par Alaoui? C'est très clair, il veut s'emparer du pouvoir à Bagdad. Mais comme vous le savez, pour reprendre l'expression de Bush Junior, les alliés ne terminent pas leur travail, ils s'arrêtent à mi-chemin. Ouais, c'est-à-dire qu'ils épargnent Saddam Hussein. En lui permettant de massacrer à loisir ses citoyens révoltés, oui. Les chiites au sud et les kurdes au nord. Les espoirs d'Alaoui sont donc provisoirement ruinés. Et les Américains et Britanniques se mettent en devoir d'unifier les mouvements d'opposition irakiens. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Et au fil des ans, il y en aura de plus en plus. Aujourd'hui, en Irak, on estime qu'il existe une centaine de partis dont la plupart sont issus des mouvements d'opposition à Saddam Hussein. Mais en 1992, il existe surtout le NI d'Alaoui et le CNI, le Congrès National Irakien d'Ahmed Chalabi. Et l'initiative des Occidentaux et de leurs services secrets, ces deux organisations sont invitées fermement à conclure une alliance. Alors, c'est peut-être le moment de parler de ce Chalabi là, qui a eu de graves ennuis en Irak il n'y a pas si longtemps. Et on en reparlera. Mais notons d'abord que c'est un cousin par alliance d'Alaoui. Chalabi, qui a à peu près l'âge de son parent, c'est-à-dire une cinquantaine bien avancée, est lui aussi le rejeton d'une riche famille chiite, peut-être même la plus riche d'Irak. Son grand-père a été ministre du roi. Son père a autrefois présidé le Sénat. Et son oncle est le banquier le plus fortuné du pays. Eh ben. Et quand un coup d'état militaire met fin à la monarchie, en 1958, le clan Chalabi fuit à l'ouest. Avec sa fortune? Bah, évidemment. Et où alors? Bah, d'abord en Grande-Bretagne. Ahmed est un jeune garçon très brillant, élevé dans les meilleures écoles. Il est en particulier très doué pour les mathématiques. Et sa famille l'envoie aux États-Unis pour suivre ses études. Il sortira de l'université de Chicago avec un doctorat d'algèbre. Un vrai diplôme, non? C'est certain. Il part ensuite enseigner à l'université américaine de Beyrouth. Beyrouth, où il rencontre sa future épouse, fille du président de l'Assemblée nationale libanaise. Est-ce qu'il s'occupe déjà de politique, là? Oui, oui. S'il est venu à Beyrouth, c'est pour se rapprocher de son pays et aussi des exilés irakiens qui ont trouvé refuge au Liban. Mais ce sont d'abord des affaires qui vont occuper sa vie. Les affaires... Oui, la banque. Fuyant la guerre du Liban, les Chalabistes s'installent en Jordanie. Là, Ahmed crée une banque avec l'argent familial, la Petra Bank, qui devient bientôt le deuxième établissement financier du royaume. En même temps, avec ses frères, il crée des filiales en Suisse et à Beyrouth. C'est donc une réussite éclatante. Chalabi est en effet un homme très habile. Et à Mam, il prend soin d'entretenir d'excellents rapports avec la famille royale et les officiers supérieurs de l'armée. Il prête à des taux défiant toute concurrence. Et il n'oublie pas la politique pour autant. Il fait de fréquents voyages à Téhéran et le régime des ayatollahs lui réserve le meilleur accueil. Oui, parce que c'est un opposant de Saddam Hussein. Naturellement. Toutefois, malgré son clientélisme actif auprès des Jordaniens les plus puissants, son système va bientôt craquer. Pourquoi alors Saddam Hussein, qui n'ignorait rien de ses activités, a sans doute fait pression sur le roi Hussein. La Jordanie dépendait en effet étroitement de l'Irak, en particulier pour ses approvisionnements pétroliers. Donc Hussein n'avait rien à refuser à Saddam Hussein. C'est d'autre part, la prodigalité excessive de Chalabi à l'égard de la famille royale avait peut-être mis en péril l'équilibre financier de ses comptes, quoi qu'il en soit. Un jour de 1989, la police jordanienne pénètre au siège de la banque et perquisitionne. Ouais. Et Chalabi, là ? Prévenu par l'un des fils de Hussein, il a déjà passé la frontière syrienne. Ouais, c'était peut-être mieux pour tout le monde, non ? C'est ce que je pense. En tout cas, les découvertes de la police jordanienne sont accablantes. Chalabi a détourné quelques 300 millions de dollars et des milliers de petits clients sont ruinés. C'est la faillite. Et un peu plus tard, la condamnation de Chalabi par contumace à 22 ans de prison pour vol et fraude. Condamnation très très lourde. Et infamante. Et ça n'empêche nullement Chalabi de continuer à faire bonne figure. Et même de poursuivre son action politique contre Saddam Hussein. Où s'est-il réfugié alors ensuite En Grande-Bretagne, où on lui a accordé la nationalité britannique. Malgré sa condamnation alors, Ni Londres ni Washington ne répondront aux demandes d'extradition formulées par la Jordanie. C'est bien la preuve que les anglo-saxons misent sur Chalabi. D'ailleurs, juste avant la première guerre du Golfe, la CIA prend contact avec lui. S'il réussit à regrouper l'opposition irakienne, il lui sera donné plus de 300 000 dollars par mois. Et cette promesse mirifique sera respectée ? Tout à fait. À partir de cette date, Chalabi devient un salarié privilégié de l'agence américaine. Alors, cet argent... Libre à lui de l'utiliser comme il l'entend. Et c'est donc alors à peu près à ce moment qu'on demande à Alaoui de faire cause commune avec son cousin Chalabi. Oui, mais il est rapidement évident que ça ne pourra pas marcher. Pour quelle raison ? Parce que ce sont des rivaux. Chacun d'entre eux veut être le numéro un. Et dans l'hypothèse de la chute de Saddam Hussein, succéder au dictateur. Donc l'alliance vole en éclats, c'est ça ? Et les cousins vont prendre des directions tout à fait différentes. Alors, Chalabi d'abord. Il imagine de mobiliser les Kurdes contre Saddam Hussein. Oh, ça ne doit pas être trop difficile après les exactions commises par l'armée irakienne au Kurdistan. Oui, mais c'est autre chose de les inciter à passer à l'action armée. Chalabi se rend donc chez les Kurdes. C'est la première fois qu'il revient dans son pays. Et il peut le faire sans prendre de risque puisque le Kurdistan a été décrété zone d'exclusion par les vainqueurs de la guerre du Golfe. Les troupes de Saddam Hussein ne peuvent donc pas y pénétrer, c'est ce que vous voulez dire, hein ? En principe, non. Chalabi essaie donc de coaliser les organisations kurdes et d'adjoindre à son propre mouvement, le CNI, des militaires opposés à Saddam Hussein. C'est ainsi qu'un célèbre général, un héros de la guerre Irak-Iran, s'engage à ses côtés. Et alors, que prépare Chalabi exactement ? Une insurrection armée. Des agents de la CIA accompagnent Chalabi qui essaie difficilement de réconcilier les deux factions kurdes rivales, l'UPK et le PDK. Oui, parce que là aussi, il y a des factions qui sont rivales et qui n'hésitent pas à régler leurs différends par les armes. Oui, et qui sont plus souvent occupés à se combattre qu'à lutter contre le pouvoir de Saddam Hussein. Et en l'occurrence, ça va être dramatique. Chalabi, donc, avec l'argent de la CIA, réussit à constituer une solide force armée de plusieurs milliers d'hommes, encadrés par des officiers irakiens qui ont fait défection. Mais soudain, au milieu du guet, les Américains lâchent Chalabi. Et que s'est-il passé alors ? C'est assez bizarre. La CIA a-t-elle jugé que couette tentative d'insurrection était vouée à l'échec ? Ou bien a-t-elle été influencée par le rival de Chalabi, Alaoui ? En tout cas, les agents américains reçoivent l'ordre de rentrer au pays. Donc, l'opération est donc déprogrammée ? Oui, c'est la catastrophe. Car les rebelles sont trahis par un des chefs kurdes, Barzani, qui fait provisoirement arrêter le général et prévient sans doute Saddam Hussein du mauvais coup qui se prépare contre lui. Seul, l'autre chef kurde, Talabani, passe à l'action. Mais malgré leur courage et quelques succès, ces combattants ne peuvent pas vaincre l'armée irakienne. Et la conséquence, c'est l'exacerbation de la rivalité entre les deux factions kurdes. Naturellement. Mmh. Et la confrontation devient tellement aiguë que Barzani fait appel à Saddam Hussein pour anéantir son adversaire. Le dictateur irakien se fait un plaisir de répondre positivement à cet appel à l'aide. Parce qu'il va en profiter également pour se débarrasser des dissidents qui ont trouvé refuge au Kurdistan. Alors l'armée irakienne intervient malgré l'existence de cette zone d'exclusion. Oui, au mois d'août 1996, 40 000 hommes de la garde républicaine et plus de 400 chars envahissent le Kurdistan. Les Irakiens détruisent sur leur passage toutes les installations mises en place par les Kurdes et ils massacrent à tout va, combattants, dissidents et civils. Et alors les Américains, eux, n'ont rien vu venir. Apparemment, non. Leur désarroi est tel que la CIA doit organiser précipitamment la retraite de milliers de ses partisans qui sont transportés par voie aérienne jusque dans l'île de Guam. Mais on propose de revenir un peu en arrière. Chalabi est donc, je vous l'ai dit, lâché par la CIA. Et changeant tous ses plans, elle mise maintenant sur Alaoui. Mmh. Avec quel objectif, alors ? Organiser un putsch contre Saddam Hussein. Mais ça va se traduire par un désastre encore plus considérable. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Georges Malbruno et Christian Chesneau, les deux journalistes français otages en Irak, ont écrit en 2003 un ouvrage « Saddam Hussein, portrait total » paru aux éditions 1. J'en extrais ces quelques lignes consacrées à l'échec de Chalabi et à l'offensive irakienne au Kurdistan. C'est le sauf-qui-peut général pour le Congrès national irakien de Chalabi qui avait installé son quartier général à Salah el-Din et à Erbil. Plusieurs centaines d'opposants sont torturés et exécutés par les forces de Bagdad. Plus de 7000 collaborateurs et leurs familles, liés au CNI, sont évacués en catastrophe par un pont aérien vers l'île de Guam dans le Pacifique. La trahison de Washington, encore gravée dans la mémoire des opposants, révèle les divisions américaines sur la stratégie à adopter pour renverser Saddam Hussein. Campagne militaire ou coup d'État interne. Le Congrès et le Pentagone ont misé sur Ahmed Chalabi pour la première option. La CIA et le département d'État ont, quant à eux, parié sur Iyad Alaoui pour la seconde. Alaoui, pendant que son cousin Chalabi essayait de lancer les Kurdes contre l'armée de Saddam Hussein, n'était pas resté inerte. C'est sans doute son organisation qui a perpétré plusieurs attentats meurtriers en Irak entre 1992 et 1995. Au total, il y aura une centaine de victimes civiles. Pourquoi ce sans doute-là ? Parce qu'Alaoui n'a jamais assumé la responsabilité de ces attentats. Enfin, à partir de 1994, toujours à l'instigation de la CIA, il met sur pied un autre plan. L'organisation d'un coup d'État. Oui, et pour l'occasion, l'agence américaine lui verse des millions de dollars. Il s'agit donc d'infiltrer l'armée irakienne et de convaincre des officiers de trahir Saddam Hussein, et éventuellement de l'assassiner. Alaoui se dit sûr de réussir et prétend avoir déjà le soutien de plusieurs dizaines de cadres de l'armée. Quoi, c'est une invention ou... Bon, en tout cas, une surestimation manifeste. En même temps, et n'est nullement un hasard, des enquêteurs de l'ONU doivent effectuer une mission en Irak afin de voir si les membres de la fameuse garde républicaine ne détiennent pas des composés chimiques ou biologiques utilisables pour fabriquer des armes de destruction massive. Pourquoi, vous avez dit, c'est pas un hasard hein. Parce que vous n'ignorez pas, UNSCOM, tel était l'acronyme de cette mission, était truffé d'agents de la CIA. Mais d'accord, enfin, quel était leur rôle dans cette... tentative de renversement de Saddam Hussein. Il devait pousser le dictateur à la faute. C'est-à-dire la faute, arriver à une confrontation, vous voulez oui, dire oui, en se montrant toujours plus exigeant. Jusqu'à donc la rupture et leur expulsion. Mais une expulsion qui aurait aussitôt légitimé des frappes militaires, et ces frappes auraient donné le signal de la rébellion. Mais c'est grave, parce que, quand même, la mission de l'UNSCOM, c'était de découvrir si Saddam Hussein possédait des armes de destruction massive, mais pas de le renverser. Ah, tout à fait. Mais ce plan, vous allez le voir, va échouer. D'abord, il est à peu près certain que les espions de Saddam Hussein surveillaient de très près l'action des opposants exilés et qu'ils ont percé assez rapidement les intentions d'Alaoui. Ensuite, ce dernier a lui-même commis une imprudence fatale. Quoi ? Un mois avant le déclenchement du coup d'État. Il donne une interview à un journal américain et annonce qu'un soulèvement militaire est en préparation. Écoute, c'est énorme. Oui, là, je suis vraiment d'accord avec vous. Enfin, je suis à peu près persuadé qu'il y a eu trahison. Quelle trahison ? Qui ? Peut-être le meilleur ennemi d'Alaoui, Chalabi. Les hommes de la CIA le penseront aussi, puisqu'il cesse en un seul coup de lui verser sa mensualité. Oui, mais alors, attendez, si Chalabi a trahi, pourquoi ? Pour se débarrasser de l'organisation de son rival et apparaître comme le seul interlocuteur de ses maîtres américains. D'autant qu'il avait subi un échec cuisant en Kurdistan. Ouais, bon. Ça faisait donc beaucoup de raisons pour que le putsch échoue. Et la réaction de Saddam Hussein va être terrible. Fin juin 1996, il fait procéder à un considérable coup de filet dans l'armée. En quelques jours, une trentaine de généraux sont arrêtés, fusillés. Et 120 autres officiers sont arrêtés, torturés. Au total, la purge va toucher 800 personnes. Et les spécialistes du renseignement... Dont vous êtes. Je vous remercie. Donc ces spécialistes estiment que jamais, depuis le désastre de l'abbé des cochons, le CIA n'avait connu un tel fiasco. Ouais. Est-ce que ça remet en cause la confiance que les Américains accordent à Alaoui. Bah, provisoirement, oui, mais ça ne va pas durer, car Washington est vraiment décidé à éliminer Saddam Hussein. Quant à Ahmed Chalabi, écarté par la CIA et l'entourage de Clinton, après ses soupçons de trahison, il se rapproche des milieux néo-conservateurs américains. Mais ceux qui vont arriver au pouvoir aux États-Unis à la faveur de l'élection de George W. Bush. C'est ça, oui. Bah, c'est pas un mauvais calcul, ça. Juste, il va jouer un rôle de plus en plus important auprès des Américains. Nous allons voir ça dans un instant. En tout cas, il aura l'oreille de personnage éminent du Pentagone, tandis que son rival, Alaoui, lui, continuera à collaborer étroitement avec ses amis de la CIA. Et à propos d'Alaoui, il faut vous parler d'un événement dont on a très peu parlé. C'est-à-dire ? Fin 1998, son frère est retrouvé mort à Amman. Et on parle de suicide. Ouais, mais ça vous paraît naturellement louche. Ouais, ouais, il est beaucoup plus probable que le frère d'Alaoui ait été victime des tueurs de Saddam Hussein, comme de nombreux autres dissidents irakiens exilés. Toujours à la fin 98, Washington, sous la pression des républicains, décide de relancer sa campagne de soutien à l'opposition irakienne. Malgré ses éternelles divisions. Et malgré sa méconnaissance évidente de la réalité de la situation du pays, oui. Tous ces gens sont exilés depuis trop longtemps et ne sont assurés d'aucun soutien populaire. Et pourtant, Bill Clinton signe l'acte de libération de l'Irak. Une décision qui permet officiellement au département d'État de financer 7 organisations, dont bien sûr le CNI de Chalabi et le NI d'Alaoui. Et les autres, hein? Bon, ce sont les deux partis kurdes, un mouvement sunnite et même un parti royaliste, plus une organisation islamiste. Et ces différentes tendances travaillent ensemble ? En principe, oui. Un diplomate américain est même chargé de coordonner leur action dont le but est de parvenir à la transition en Irak. Mais les divisions ne tardent pas à réapparaître. D'autant plus que les Américains ont omis d'intégrer le principal mouvement d'opposition chiite. Alors que les chiites, il faut le rappeler, sont majoritaires en Irak. Oui, c'est donc une grave erreur. Et l'action de ce diplomate en charge du dossier irakien prête plutôt à sourire tant sa mission semble difficile, sinon impossible à réaliser. Toutefois, l'élection de Bush, puis le 11 septembre 2001, vont changer complètement la donne. L'élection de George Bush, d'abord, arrive dans les premiers cercles du pouvoir, ces néo-conservateurs qui sont les protecteurs de Chalabi. Chalabi qui a depuis longtemps recouvré sa solde mensuelle. Mais attendez, quand même, pourquoi un tel engouement pour cet homme qui a un passé quand même très sulfureux ? Chalabi sait y faire. Hein. C'est un as du lobbying qui inspire confiance. Et puis, il tient le langage que ces républicains ultra ont envie d'entendre. Par exemple ? Quand il soutient que les États-Unis doivent éliminer au plus vite Saddam Hussein, qui représente un danger extrême pour Israël et même pour l'Amérique. Ou encore quand il laisse entendre que Saddam Hussein entraîne des terroristes en Irak et entretient des liens avec Ben Laden. Alors, quand arrive le 11 septembre, les faits semblent lui donner raison. Et son entreprise de propagande va encore s'accélérer. Mais si je comprends bien, il prêche des convaincus. Qui brûlent l'envie d'en découdre avec Saddam Hussein. Enfin, il faut aussi persuader les parlementaires, les journaux et l'opinion américaine qu'après l'Afghanistan, l'armée américaine doit intervenir directement en Irak. C'est Chalabi, par exemple, qui est à l'origine de la fausse information sur une rencontre entre le chef du commando du 11 septembre, Mohamed Atta, et un officier des services irakiens. Lui aussi, qui va intoxiquer la CIA sur les stocks irakiens d'armes de destruction massive. Et les journalistes américains tombent dans le panneau. Pas seulement eux. Au département d'État, Colin Powell se fait aussi berner, car Chalabi prétend posséder des informations puisées aux meilleures sources grâce aux contacts qu'il détient en Irak. Alors, quittons Chalabi là, et Alaoui. L'activisme de son cousin Chalabi le relègue un instant dans l'ombre. L'opposant numéro un, celui qui doit donc succéder à Saddam Hussein, c'est Ahmed Chalabi. Et effectivement, le Pentagone fait en sorte que Chalabi soit le premier opposant exilé à pouvoir parader dans les rues dès la chute de Bagdad. Et son ascension va être fulgurante. Il est à peine rentré en Irak que, grâce à la protection du proconsul américain, il est placé à des postes clés. Mais c'est donc, pendant un moment, l'homme le plus puissant d'Irak. Après l'américain Paul Bremer. Oui, oui, quand même. Il est chargé de l'épuration et a placé des parents au ministère des Finances et à la Banque Centrale. Mais il a aussi mis la main sur les tonnes d'archives de l'ancien parti Baas. Ah, une collecte très précieuse, ça. Bien entendu. Mais Alaoui, toujours soutenu par la CIA, n'entend pas renoncer. Alors que la situation du pays va aller en se dégradant, il accuse son rival de plonger le pays dans le chaos en procédant à une épuration systématique des anciens bassistes. Et que propose-t-il, lui, alors ? De récupérer, au contraire, les meilleurs éléments et de les utiliser dans la nouvelle administration. Et c'est lui, vous le savez, qui va triompher de son rival. Oui, mais parce que Chalamy va être l'objet d'un scandale. Ah oui, le détournement de millions de dollars à l'occasion de l'échange des anciens dinars contre les nouveaux. Et ça lui a valu de déguerpir rapidement et de trouver refuge à Téhéran chez ses amis iraniens à qui il a sans doute fourni des renseignements confidentiels sur l'Irak. Mais même sans cela, je suis sûr que son cousin Alaoui aurait fini par le supplanter. Mais pour quelle raison, alors ? Eh ben parce que c'est l'homme de la CIA, tout simplement. J'emprunte la conclusion à un journaliste du Monde, Patrice Claude, qui évoque les circonstances de la nomination d'Iyad Alaoui au poste de Premier ministre. Voici ce qu'il écrivait en juin 2004. Finalement, faute de mieux, comme ils disent, les mandarins du département d'État américain l'adoptent à leur tour et le 27 mai, leur poulain est nommé chef du gouvernement intérimaire, n'en déplaise aux Nations Unies et aux Français que l'intéressé méprise. Le voici en place pour un galop d'essai avant le grand derby électoral prévu pour janvier 2005. Le coureur de fond a-t-il une chance ? Avec lui, c'est un peu la CIA qui épouse notre pays, constate sans illusion un commentateur du CRU. Mais dans le chaos actuel où la priorité absolue est le rétablissement de la sécurité publique, Alaoui est sans doute le meilleur du pire. Il est chiite sans être religieux, pro-sunnite sans l'être lui-même, il est bien avec les Américains, les Anglais, les Saoudiens et tous les régimes qui nous entourent, sauf peut-être l'Iran, quoique le grand ayatollah Sistani, un Iranien, lui ait accordé une sorte de timide soutien. Bref, c'est quelqu'un qui a l'avantage de susciter une méfiance à peu près égale dans tous les camps, ce peut être son avantage. À samedi prochain, je vous rappelle que sur franceinter.com, vous pourrez obtenir des renseignements discographiques et bibliographiques. À midi, prenez le temps de faire dorer une tranche de pain de campagne recouverte de jambon cru et de comté. Au four, le comté enrobe le jambon de sa belle couleur dorée. C'est fondant, vous fondez. Le comté nous apprend à savourer le temps. Comté. Ils vous parlent de leur enfance, de leur début, de leur passion, de leur maître et de la musique qu'ils aiment. De Tchung à Mazour, en passant par Abado, Mouti, Arnoncourt, Haïting, Eschenbach, Boulez, Gergiev ou Emmanuel Haïm, les plus grands chefs d'orchestre du monde se sont confiés à Robert Parienté. Retrouvez les 70 grands maestros contemporains et 30 chefs de légende dans La Symphonie des Chefs, un livre de Robert Parienté, coédité par France Inter. Bientôt Noël, sous le sapin, un nouveau portable, et alors que faire du vieux ? Le jeter ? Eh bien non, figurez-vous qu'il y a mieux à faire. Et c'est Denis Chessou dans CO2 Mon Amour qui vous dira tout ça juste après le journal. France Inter, il est 14h. On retrouve Michel Khalifa. La réclusion criminelle à perpétuité, c'est la peine requise aujourd'hui par l'avocat général de la cour d'assises de Seine-Maritime contre Alfred Petit. Cet homme de 39 ans est accusé d'avoir tué les époux Roussel en mai 2001 près de Rouen. Il est également poursuivi pour tentative de meurtre sur deux gendarmes. Alfred Petit se dit innocent. Cet après-midi, la défense doit plaider. Le verdict sera connu ce soir. Jean-François Lefort a été transféré à Paris ce matin. Cet homme de 34 ans est la figure publique du mouvement de défense des prisonniers basques. Depuis mardi, il était en garde à vue à Bayonne. La justice le soupçonne d'avoir servi d'agent de liaison à l'ETA. Il aurait joué ce rôle notamment pour le séjour en France du numéro 1 présumé de l'organisation, Mikel Albizu Iriarte, et de sa compagne. Lundi, il sera présenté au juge antiterroriste Laurence Levert et Marie-Antoinette Ouivet. Une infection rare a touché 4 nourrissons ces dernières semaines en France, 2 d'entre eux.